de griterio. C'est pas yo qui n'a fondé. Elle discute en français. Il est la fille pour parler. Pour passer. Massacre paysan Jean Rabel, yo touye Antoine Ismery, Père Jean-Marie Vincent, Petit Jean-Pierre Louis, Sénateur Yvon Toussaint, yo massacre moun Raboutou, yo touye Jean-Dominique ak Jean-Claude Wissin. Fois ça nous dit c'est trop bato. N'a prele en moué, fermé robinet sang. Sou pas dit rien, c'est pral tout pao. spéciale émission sous déroulement pour ces massacres à Boto, n'a pas abordé, nous suivre la quatrième semaine là. Nous pourrons, à partir de lundi, nous pourrons attaquer la cinquième semaine là. Côté nous pourrons, à partir de lundi, nous pourrons sur la 16e journée. C'est un procès qui est extrêmement important pour justice dans le pays d'Haïti, pour le système judiciaire là, parce que Jean responsable a dit, c'est que avec procès massacre à Foufè là, et surtout avec procès massacre à Botoa, nous pourrons penser, nous penser que le système justice là, justice dans le pays d'Haïti, li pral prendre une autre étape, li pral prendre un nouveau départ. Nous croyons que il y a des éléments qui nouveaux par rapport à la justice en Haïti, c'est côté des experts étrangers viennent porter des preuves, viennent mettre en série de l'autre et domaine au service de la justice. Nous capable pour première fois anthropologie qui viennent au service de la justice, nous capable tout génétique qui viennent au service de la justice. Et surtout, et nous capables spécialistes droit mounio qui mettait service surtout au service de la justice. Et nous capables que ensemble de domaines, ça y est, il et pour ces massacres botoyons, l'autre vitesse, parce que éléments ça y est, ils avec des preuves, ils viennent avec des éléments en plus par rapport à ensemble de gens justice là qui a fonctionné en Haïti. Avant, nous t'es principaux, nous t'attendais déposition ambassadeur Colin Granderson. Une déposition, nous pas bouquet deal, qui était marqué quatrième semaine déroulement procès. Avant nous t'interrompre et prendre posant, nous t'attendons avocat accusé, qui t'a posé ambassadeur Colin Granderson quelques questions. N'a pas poursuivre avec suite émission, une émission spéciale sous déroulement quatrième semaine procès à Botoa. Et n'a pas suivre reste déclaration devant tribunal l'ambassadeur Colin Granderson. Honorable magistrat, je demande la parole. Merci. L'ambassadeur Colin Granderson, au cours de son exposé, a fait la déclaration suivante. Tous les militaires n'étaient pas mauvais. Il y en avait des bons et des mauvais. Vous lui faites pour nous cette question. Est-ce qu'il peut développer succinctement cette déclaration ? Au cours de votre exposé, vous avez dit que parmi les militaires, il y avait des bons et des mauvais militaires. L'avocat du Conseil des accusés vous demande de développer brièvement cette déclaration. Monsieur le doyen, je l'ai dit pour plusieurs raisons. Dans les contacts que nous avions avec les militaires à tous les niveaux, il était clair qu'il y avait des militaires qui étaient mécontents de ce que faisaient des membres, d'autres membres de leur institution. Ça, c'était clair. Il y avait également des militaires, par exemple, qui étaient prêts à aider, par exemple, pour avoir accès aux personnes qui se trouvaient en détention, ainsi de suite. C'est pourquoi donc je fais la différence entre ce que j'appelle les bons, n'est-ce pas, ceux qui avaient donc une conscience et qui étaient donc émus par ce qui se passait autour d'eux. Et puis, il y avait d'autres qui étaient des brutes. Il y avait des mauvais, il y avait je n'aime pas les mots, des sadiques. Il y avait des personnes, n'est-ce pas, pour qui tuer quelqu'un de l'autre côté, ce n'était pas grand-chose. Ça, c'était clair. Ça, c'était clair. Bon, les bons et les mauvais. Je donne enfin une expérience personnelle. La messivie, comme je dis, est arrivée sur place vers le 11 ou le 13 février. Le 25 février, il y avait les funérailles, n'est-ce pas, des naufragés du Neptune à la cathédrale de Port-au-Prince. Et lors de ces funérailles, les personnes, n'est-ce pas, qui sortaient de la cathédrale ont été arrêtées par des militaires et par des attachés. Et nous avons dû organiser une sortie des gens, n'est-ce pas, pour les protéger. C'était un exemple, n'est-ce pas, de ce que j'appelle, il y avait des mauvais. Moi-même, je me suis rendu à Jérémy pour voir les responsables militaires. Et quand je me suis assis devant lui, n'est-ce pas, lui, il a placé son pistolet à côté de lui, n'est-ce pas, pointé vers moi. Bon, enfin, moi je suis un civil, je suis là tout seul, n'est-ce pas, dans son fief, n'est-ce pas, intimidation, n'est-ce pas, il y avait qui le faisait, il y avait d'autres qui avaient des contacts, n'est-ce pas, ouverts avec nous, on pouvait, n'est-ce pas, on pouvait leur parler, on pouvait faire des propositions. Alors, nous savons, par exemple, c'était au CAI. Un peu après l'installation de la missivie, nous avions dit que les militaires n'ont pas le droit de signer les mandats d'arrestation. Et on avait passé ces informations, n'est-ce pas, au responsable, au CAI, et lui, il a donné des instructions à ses hommes, vous n'avez pas le droit de signer des mandats d'arrestation parce que, n'est-ce pas, vous êtes des policiers, vous êtes des militaires, n'est-ce pas? Donc, quelques exemples. Merci, Maïska. Voulu cette pour nous cette deuxième et dernière question. Est-ce qu'il peut établir plus ou moins le pourcentage même boiteux, ou du moins l'échelle même boiteuse des bons et des mauvais? Un pourcentage même boiteux des bons et des mauvais militaires. L'avocat vous demande si vous pouvez établir un pourcentage boiteux qu'il soit entre les bons et les mauvais militaires. Monsieur le doyen, je ne pense pas parce que si je donnais un avis, ce ne serait même pas boiteux, n'est-ce pas? Ce serait complètement déséquilibré, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il y avait... Il y avait beaucoup de mauvais et peu de bons. Mais comme je dis que c'était d'après nos contacts et on n'a pas pu rencontrer tous les militaires, donc je ne pense pas donner une meilleure réponse à votre question. Quand il y a une question, bien entendu, avant de poser ma question, je tiens à remercier le doyen pour l'exhortation qu'il a adressée au ministère public, à la partie civile et au conseil de la défense. Donc, laquelle exhortation nous demande d'avoir du respect pour M. Colin Gunderson. Mais nous voulons rappeler au tribunal que nous avons appris à respecter toutes les personnes, qu'ils soient siweurs de bord, charbonniers ou diplomates. Donc, la personne humaine même. Merci beaucoup. Ma question, Maïstra, c'est, comme il a parlé de plusieurs parents, donc, parmi ces parents-là, les personnes qui ont eu des victimes, est-ce que ces parents-là se présentaient auprès de l'ami civil pour dire « j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille » Combien de parents, par exemple, qui se sont rendus pour se plaindre, qui se sont rendus chez l'ami civil en vue de porter plainte, par exemple? Combien de parents? L'avocat du Conseil des accusés vous a demandé combien de parents s'étaient rendus auprès de l'ami civil au fin de porter plainte? Bon, sur le plan technique, comme je vous avais dit, monsieur le doyen, l'ami civil n'avait pas une présence à Gonaïves à l'époque. Donc, c'est l'ami civil qui était venu sur place. N'est-ce pas? Et c'est à travers les informations, en questionnant les gens, en posant des questions, n'est-ce pas? Par ici, on a trouvé quelqu'un, par là, on a trouvé d'autres personnes. Mais je ne suis pas à même de vous donner un chiffre précis, n'est-ce pas, de combien de parents se trouvaient dans cette situation-là. Je ne suis pas à même de le faire. Ok, Maïssa. Deuxième question. Où a-t-il trouvé ce chiffre? 8 à 10 personnes étaient mortes. Où aviez-vous trouvé le nombre de personnes qui auraient été mortes de 8 à 10 personnes? Monsieur le doyen, on n'a pas trouvé le chiffre. On n'a pas trouvé le chiffre, comme il a dit. Non, c'est pas truffé, je dis. Trouvé, pardon. Oui. On n'a pas trouvé quelque part. Ok. Enfin, nous t'es pas joint chiffre, n'est-ce pas? Ce que nous avons fait, nous avons posé beaucoup de questions. Nous avons collecté beaucoup d'informations. Nous avons fait des recoupements. Parce que, comme j'avais dit, n'est-ce pas, il est possible d'écouter une personne et puis de saisir cette information comme vérité. Pour la MICIVI, non. N'est-ce pas? Il fallait poser des questions. Il fallait faire des recoupements. Et à travers les recoupements que nous avons pu faire, n'est-ce pas, d'après nos informations, il devait y avoir au moins 8 à 10 personnes de tuer. Et je crois que dans notre rapport, nous avons donné des noms de quelques-uns de ces 8 ou 10 personnes, parce qu'il y avait également des inconnus. Mais je dis que tout cela, c'était le résultat d'une enquête approfondie qui a duré très longtemps. Donc on n'a pas trouvé, n'est-ce pas, ça quelque part. Merci, Maïssa. Monsieur le Président du tribunal criminel, avant l'ambassadeur appelé à déposer devant votre tribunal comme témoin, on a eu à entendre différents témoins qui ont eu à déclarer que plusieurs personnes ont été tuées. Mais ces témoins ont cité à titre d'exemple, le nom de Tchiklode, celui de Dieu Kivlé et de Jamais Dodo. Demandez pour nous, magistrats, à ce témoin, s'il est en mesure de citer d'autres noms. Est-ce que... S'il est en mesure de citer d'autres noms, autre que cela. L'avocat du conseil des accusés vous a demandé les témoins qui ont déposé antérieurement ont déclaré que Tchiklode, Dieu Kivlé et Jamais Dodo auraient été trouvés la mort durant la période des événements de Raboto. Il vous demande si vous êtes en mesure de citer le nom d'autres personnes décédées. Monsieur le doyen, vous me permettez de lire du rapport parce que je ne peux pas me souvenir de tous les noms. Oui. Oui. Allez-y. D'après les rapports de la missive, n'est-ce pas, et je lis, huit décès ont été établis avec cette étude. Pierre Michel dit Jamais Dodo. Tchiklode, Dieuvelet Jacques, Val Valsin, un pêcheur du nom de Zacharie, un homme identifié comme Nicolas, et au moins deux autres personnes qui n'ont pas été identifiées et dont les corps incinérés ont été retrouvés sur la plage de Bas-Carénage, dans le lieu dit Lotbo Canal. Ok. Messieurs, demandez pour nous aux témoins, puisqu'on a déclaré avoir été sur les lieux, soit dans la matinée ou dans l'après-midi du 27 avril 1994, soit 5 jours après l'incident. À se présenter sur les lieux, magistrat, il a déclaré avoir vu des ossements ou des cadavres. Demandez-lui pour le magistrat combien de cadavres en a-t-il vu de ses propres yeux. L'avocat vous a dit que vous avez vu des ossements ou du moins des cadavres. Il vous a demandé combien de cadavres aviez-vous vu. Monsieur le doyen, comme je dis à plusieurs reprises, moi-même, je ne me suis pas rendu sur place à Gonaïve. C'était des membres de la mission des observateurs qui ont été envoyés sur place. Et ça, c'était la façon de faire de la missive, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on avait des spécialistes en droit de l'homme et en autre chose qui faisaient le travail sur place, qui faisaient les rapports, ainsi de suite. Donc moi-même, n'est-ce pas, je n'ai pas été un témoin oculaire. Je donne des informations données par la missive. Je crois que c'est avec déclaration ça, ambassadeur Colin Granderson n'a pas mis fin à l'émission parce que là nous déjà bout. Je crois que ces amis auditeurs nous ont fait vivre. Ils ont déposition, ils ont belle partie dans la déposition ambassadeur Colin Granderson. Non? Nous bien regrettons que nous n'avons pas qu'à faire vivre tout, parce que M. ambassadeur Colin Granderson était parlé en pile, il était parlé environ 2 heures de temps. Malheureusement, nous n'avons pas qu'à faire vivre toute émission, grand commencement, grand finissement. Nous avons des amis auditeurs, comme collaborateurs, nous avons Ariga Botap signalé nous ça tout à l'heure, c'est que avec le procès Massacre Botoa, il y a de nouveaux domaines nous qui ont doué approfondi par rapport à la justice dans le pays d'Haïti, c'est des domaines d'acadie connexes à justice là qui commençait à utiliser à travers le procès Massacre Botoa. Et je crois que haïtiens qui travaillent dans différents domaines doivent profiter avec ça qui commence avec le procès Massacre Botoa, doivent profiter des initiatives ça qui commence côté nous voit que gain anthropologie qui entrait avec la justice, gain génétique qui vini rejoindre la justice, en même temps tout gain question droit moun nan tout spécialiste en droit moun yo yo gain intérêt divers haïtiens qui étudient dans domaine ça hein? Et en pile monde qui évolue dans domaine la justice doit à partir des initiatives ça fait début ça vinn tourner en bas systématique dans avancement justice là parce que on croit que initiative qui prend là yo très bon yo très intéressant et faut que nous encourager et moi croit tout monde qui a évolué dans affaire la justice et tout monde qui a évolué dans l'autre domaine ça yo. Et gagne de l'autre domaine que nous beaucoup ouais nous espérons nous pas le voir. Ensuite procès moi quoi important en pile pour nous continuer j'ai fort ça Parce que si nous disons qu'il faut que nous changions la justice, il faut que c'est tout le monde qui porte participation. Les amis auditeurs, c'était un plaisir pour nous avec vous ce matin. Moi-même, avec metteur en ordre nos techniciens, Harry Gabo, nous disons bonsoir, bonne semaine et nous espérons que nous pourrons samedi prochain. Bye bye, bonne semaine à tout le monde. Parole là droite et gauche, parole là tête en bas, parole là d'où vendeille. Avec Radio Haïti, parole là clé.